Hey, un beau t-shirt, c'est pas cher, c'est 15$. C'est en vente, c'est au dépanneur chez Alphonse. Allez-y, c'est au dépanneur chez Alphonse. Pavillon Desjardins, 15$. Alphonse. Alphonse Desjardins, allez-y. T-shirt de chez. Vous avez le blues? C'est qu'il vous faut aussi une bonne dose de funk. Ne cherchez plus, car il y a Funk Connection. À la fois moderne, festif et entraînant. Une heure de bon son, de bonnes interventions, un pont entre les générations, Funk Connection. Le dimanche à 21h, sur les ondes de Chiz 94.3. Après 15 spectacles, 5 rondes éliminatoires et des centaines de spectateurs, Chiz vous présente enfin la grande finale du concours FEMUR. Le 21 avril dès 20h, ne manquez pas le show de fin de session au Grand Salon de l'Université. S'affronteront alors les finalistes du folk, hip-hop, jazz, indie rock et électro qui paveront la voie au groupe invité pour l'occasion. GMC Project et So Called. Oui, So Called et GMC Project et 5 formations de la relève de Québec dans un spectacle gratuit pour tous. Le FEMUR est une initiative de Chiz en collaboration avec Télé-Québec, Slow Call et Belle Gueule. La première finale mondiale du FEMUR, l'événement qui passera à l'histoire le 21 avril à 20h au Grand Salon de l'Université Laval. Choucroute québécoise, bonjour! C'est Choucroute québécoise sur les ondes de Chiz. Bonjour Dominique, ça va? Salut Julia! Salut! De retour enfin pour une nouvelle émission après un mois d'absence. Julia, tu nous as manqué, tu nous as manqué! Ouais, vous m'avez manqué aussi. J'ai perdu mon français, donc ça maintenant déjà, n'a pas peur, ça va revenir. Donc, tu es retourné en Allemagne et... Et tu es retourné en Allemagne pour le mariage de mon frère. De ton frère. C'est bien passé. Ils ont encore marié. Après 3 semaines, ils ont encore en couple. Ça marche bien. Donc, je suis contente. Ça dure longtemps en Allemagne. Oui, ouais, en Allemagne, les mariages, ça. Plus que 3 semaines. Peut-être. OK, moi, j'ai ramené des belles choses. Pas seulement de la bonne musique, aussi la chocolat juste pour toi. Je ne l'ai pas ramené aujourd'hui. Ton chocolat! Parce que, oui, beaucoup de chocolat, de la bière aussi, évidemment. Non, tu m'as ramené de la bière. Pour de vrai, c'était ma demande spéciale, t'as fait ça. Ah oui, c'est juste pour Choucroute québécoise. Je suis content parce que tu reviens au moment où est-ce que c'est les séries éliminatoires au hockey. Donc, je t'invite officiellement en nom d'Achise à... C'est qui contre qui? C'est tout le Canada. Moi, j'ai aucune idée de hockey. Donc l'équipe de Montréal, les Canadiens, là, et puis en ce moment, ils jouent contre la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey en série éliminatoire. Mais au Canada, les meilleures équipes à Canada ou du monde? C'est l'Amérique du Nord. Ah, OK, ouais. Je comprends. Bon. Donc ils jouent contre Washington? OK. Tu sais c'est quoi Washington? Je connais ça, j'ai déjà entendu une fois Washington. En Allemagne, il n'y en a pas d'hockey, excuse-moi. C'est juste, cet été, ça va être le championnat du monde de soccer. Ouais, la FIFA qui se déroule en Afrique du Sud. OK, on parle d'hockey, excuse-moi. Je vais juste mettre ma touche allemande. Est-ce que, donc, par la suite, t'es revenu ici... Pour toi. Pour moi. Pour Choucroute québécoise. Oui, je suis retournée la semaine passée. J'ai fait un petit voyage au Canada. J'ai vu l'Ottawa, j'ai vu Toronto. Ouais, on en reparlera. OK. Hein, parce qu'on a beaucoup de choses à se parler aujourd'hui. Trop. Donc aujourd'hui, émission spéciale Choucroute québécoise, un peu un best-of. Oui, j'avais des petits problèmes avec la technique. Donc on va faire un petit best-of de la musique de la Choucroute québécoise. Mais t'en as profité pour t'acheter un super iPod. Juste en Choucroute québécoise. Oui, n'est-ce pas? C'est cool, hein? Ça va servir. Ça va servir. Ça va être très pratique. Absolument. On va l'utiliser, je pense, encore dans l'avenir parce que c'est bien cool. On commence avec It's a Musical, un duo des musicants, des chanteurs d'Allemagne et la Suède. Et on va écouter The Music Makes Me Sick sur les ondes de Chiz. Thank you. Ok, oui. Alors, les... Ouh! Qu'est-ce que c'est? Julia! Excuse-moi. Tu as mangé beaucoup de choucroute? Toujours, pour déjeuner. Moi, j'ai la choucroute pour déjeuner, ça devrait pas... ça doit pas être super. Ben oui! À part si c'est la mienne, celle avec qui j'ai vaincu. au concours international de choucroute qu'on faisait au Desjardins le mois passé, juste avant que tu partes. Ouais. Avant tous les chamboulements autour, donc... De ce référendum, en fin de compte. Oui, le référendum, oui, c'est déjà c'est terminé, n'est-ce pas? C'est perdu, hein, le référendum. Moi, je m'en vais. Je suis partie pour l'Allemagne, comme ça a commencé d'être vraiment sérieuse, là. Mais comme j'ai lu, ça passait pas si bon. Non. Mais... Donc, ensuite, quand vous êtes revenu, toi et ta famille, vous êtes revenu ici, donc vous êtes atterri à Montréal et vous avez fait le tour du Québec, quoi? Oui, bien, on a visité les coins plus importants. On a vu, on était à Tadoussac, au nord du Québec, parce que ça fait beau, le grand fjord, puis tout. On était ensuite... Vous êtes allé dans Charlevoix. C'est ça. Donc, t'as vu Tadoussac. C'est ça. C'est beau, hein? Oh, on était à part. Excusez-moi. Oui, non, c'était tellement chouette. Et après ça, on a vu Magog. J'étais à Magog. Il n'y a rien à Magog, mais on était là et c'était beau. Plus beau, j'ai trouvé Ottawa. Ça, c'est mon nouveau après Québec, évidemment. Mon nouvelle ville préférée au Ottawa? Canada, je pense. Ottawa, c'est cool. T'as beaucoup aimé Ottawa. Oui, oui. Il n'y a pas trop de choses à faire, mais beaucoup de bars. Ah ouais, t'as trouvé dans le centre-ville. Mais ils ferment à 11h, en fait, ces bars-là. Ouais, ouais, ouais, c'est assez. Et vous êtes fous. Ils ferment vraiment pas tard. Mais tu sais, les Anglais, eux, ils boivent pas beaucoup. Ils boivent moins qu'ici, les Québécois, ouais. Et je reste à Québec. Ah, t'as une heure, ouais, c'est ça. Ah, je reste à Québec. Ouais, ouais, je te... Oui, je t'en prie. Mais toi, as-tu déjà vu la chute de Niagara? Oui. Oui, parce que j'ai rencontré beaucoup des Canadiens qui ont jamais avant vu. Ça se peut, oui. Oui, ça se peut. Mais ici, au Québec, ça a été longtemps une tradition. Quand on se mariait, on allait aux chutes Niagara. Vraiment, ça, c'est chouette. Ouais, mes parents se sont mariés, sont allés aux chutes Niagara. Oh, c'est cute. Même qu'il y a des gens, je ne sais pas si tu as vu, il y a des petites chapelles là-bas, comme à Las Vegas, où est-ce que les gens peuvent se marier. On n'a pas réalisé. Non? Peut-être, on n'a juste pas réalisé. C'était pas beaucoup de monde. Tu as trouvé ça impressionnant, là? J'ai pensé qu'ils sont plus grandes, en fait. Tu pensais qu'ils étaient encore plus grandes que ça? ils sont grandes, mais ils sont grandes. Je l'aimais, mais on pense toujours que la chute de Niagara, c'est super grand. Uh-huh. C'est, je sais pas, 50 immeubles de hauteur. mais c'était quand même impressionnant. Et j'aimais beaucoup qu'on peut à la meilleure façon, on peut les voir de la côté canadien, n'est-ce pas? Oui. Oui. Nice. Et puis, t'es allé au Tim Hortons au pied de la chute. Partout. On était dans chaque ville, on était dans minimum un Tim Hortons. Essayé, ça goûtait pareil à chaque endroit. Ouais. Il y a beaucoup de Tim Hortons hein, au Canada. Cette chaîne de Tim Hortons, ça doit son nom à un joueur de hockey, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Ça, c'était qui? Est-ce que tu sais quelque chose de Tim Hortons? On va faire des recherches. Il a fait 250 points. environ. Et puis, c'est un joueur prolifique en Ontario. Ça fait longtemps ou... Non, je ne sais pas c'est qui. OK. Il faudrait faire des recherches sur Tim Horton. Tout en fait. Suite. Moi. Et puis, mais il ne faisait pas beau. Hein? T'as pas été chanceuse, je veux dire. Est-ce qu'il pleuvait quand tu étais aux chutes Niagara? Absolument pas. Ah, on avait deux jours, on avait un peu de pluie, mais en général, on a été toujours chanceuse avec le temps. Ça faisait toujours soleil et bien, bien chaud. On avait peut-être 25 degrés à Toronto. Pas de pensable. 25? 25. Ah, sans chanceux. Ah, oui. Mais tu dormais dans un hôtel là-bas? Oui, on était dans les motels. Les motels? Oui. OK. Donc, tes parents, eux, ils ont trouvé ça comment, le Canada, Toronto? Absolument cool. On a fait, ça fait quelques années, on a fait un voyage aux États-Unis. Et c'était impressionnant aussi parce que c'est pas un grand choc de culture, mais c'est un peu différent quand même. Donc, on était à Canada, on a commencé à Montréal, Québec. C'est la côté plus européenne, n'est-ce pas, au Canada. Oui, ils ont trouvé ça, eux aussi. Ouais, ouais, ouais, super beau, le vieux port, la vieille ville à Québec, nice. Mais, donc, c'est pas si américain, mais c'est un peu différent de Canada, ça, ce qu'ils ont dit. Ah. Ça, je trouvais très beau, parce que Canada rocks ass, babes. Est-ce que tu as quelque chose pour faire nous écouter? Ben oui, en fait, je vais vous faire écouter une vieille pièce... Donc, des vulgaires machins de leur album « Comptez les corps ». On écoute « Dans le vide » sur les ondes de choucroute québécoise et « Cheese 94.3 ». encore vulgaire machin dans le vide sur les ondes de Chiz. Choucroute québécoise. Vous êtes là, Madame Choucroute? Bonjour, Monsieur Saucisse. Alors, est-ce que vous avez fait que Toronto? Oui, on était à Toronto. OK, truc hier. OK, je vais te parler quelque chose là. Hier, j'ai vu un orignal. Pam, pam, pam! J'étais super chanceuse et heureuse là. Où ça? À Lac Beauport. En fait, à Lac Beauport. Oui, proche du boulevard, OK? C'était dans une petite... Ah, oui, entre c'est deux vrai. Rues. Toi, t'es en pleine nature. C'est ouais, là que t'as... Oui, absolument. Mais c'est pas évident qu'on voit une orignal là-bas. Uh-huh. Mais quand même, on était dans la voiture, on a vu la police, là, avec des lights flashing, oui. OK, OK. Des lumières flashing. Ouais, ouais, ouais. Puis on a pensé, OK, ce sont peut-être des jeunes qui ont, je sais pas, fait quelque chose. Et on passe en coin. Et il y a un orignal, un petit bébé, entre les arbres. C'était entre deux rues, ouais. Il y avait des arbres. Un bébé orignal. C'est ça. Il était un peu seule. Perdu. Toute seule, son maman. Ça avait peut-être 24 ans, 24 mois. Tu ne l'as pas mangé? Non, pas tout de suite. Non. Dommage, parce que c'est bon, de l'orignal, bébé orignal. Trop beau pour manger. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils l'ont renvoyé dans la forêt? Ouais, ils ont envoyé une garde de... On dit? Un garde de la chasse, quelque un chose? Un garde forestier, ouais. Oui, mais ouais. Quelqu'un qui a fait un tranquillisateur. T'as tout vu ça, toi, le tranquillisant? Non, juste... Pang! Pang! Non, juste le petit orignal. Okay, le petit orignal. Donc, maintenant, j'ai presque tout fait. Qu'est-ce qu'on doit faire au Canada? Pour moi, j'ai été dans un Tim Hortons. J'ai vu hockey, un match de hockey. J'ai même joué un peu de hockey. OK. Oui? Non? Mm-hmm. Oui? OK. Et j'ai mangé beaucoup de sirop d'érable. Mm-hmm. J'ai écouté une pièce de Céline Dion au Canada, à Québec. Et pas live, mais quand même. Et il manque une chose, mais maintenant, j'ai aussi vu l'orignal. Je suis contente. J'ai aussi vu l'orignal. Je peux passer pour l'Allemagne. Je peux partir pour l'Allemagne, j'ai tout fait. Maintenant, il faut que tu tues un castor après ça. Tu prennes la fourrure. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant pour la suite? On va écouter Call 1-800-FEAR de la band Lalipuna d'Allemagne. Et sur Choucroute. Québécois. Shuts your mouth when you shut the talk. You lock the door of your panic room when you shut the talk. But while you're away, someone's taking over. Thank you. c'était Lalipuna avec Call 1-800-FEAR et il va suivre Robocop Kraus avec la pièce Automotive Man. Sur les ondes de chez 94.3. Oh que oui, encore nous, les parties Boreal Chiz sont de retour. Cours la chance de gagner ton party pour toi et neuf de tes amis avec Chiz et Boreal. C'est quand, c'est où? Le jeudi 22 avril au Champ d'Auteuil. Pour participer, inscris-toi au chiz.ca/concours et réponds à la question suivante. En plus de la succulente musique qu'on y découvre, de quoi traite l'émission Mary Poppins is a Junkie? Date limite pour participer, dimanche 18 avril, 23h59. 18 ans et plus, junkie majeur. C'est pas cher, c'est 15$. C'est en vente, c'est au dépanneur chez Alphonse. Allez-y, c'est au dépanneur chez Alphonse. Pavillon Desjardins, 15$. Alphonse. Alphonse Desjardins, allez-y. T'es jeune de chez. Je geht tanzen. Wir sind in dem einzigen Club, den ich mag. Natürlich auch der, in dem wir uns trafen, wo wir bis morgens noch draußen saßen. Ich fahr an den Hafen, das geht auch ohne dich. Ich höre unsere Platten, du kannst mir glauben, das geht auch ohne dich. Dinge genauso wie vorher. Nachts bin ich wach und ich schlafe am Tag. Ich reiß alle Fenster auf, rieche die Linden und sehe den Zügen zu. Ich fahr an den Hafen, das geht auch ohne dich. Ich hör unsere Platten, mir glauben, das geht auch ohne dich, ohne dich. Das geht auch ohne dich, ohne dich. Das geht auch ohne dich, ohne dich. Das geht auch ohne dich, ohne dich. Ich geh in den Laden und kauf das Gemüse, das du gerne magst, das ist auch gut für mich. Ich ess das alleine, was du wohl grad machst. Ich bin mir sicher, dass du was verpasst. Ich bin mir sicher, dass du was verpasst. Ich bin mir sicher, dass du was verpasst. Ich bin mir sicher, dass du was verpasst. Ich bin mir sicher, dass du was verpasst. Ohne dich? Es geht auch ohne dich. Choucroute québécoise sur les ondes de Chiz. Qu'est-ce que ça veut dire, es geht auch ohne dich? Ça veut dire ça marche aussi sans toi. C'est une fille, Naïma Husseini, qui chante qu'elle est quittée de son jam, son propre jam. Elle ressemble à Carla Bruni un peu. Oui, ça t'a dit, là. Je peux même pas dire si c'est vrai ou non. Mm-hmm. Je pense que j'ai jamais entendu une pièce de Carla Bruni. Je la connais juste sur les médias. Elle est jeune. C'est la fille de la blonde de M. Sarkozy, n'est-ce pas? Non, celle qu'on vient d'entendre. Ça fait longtemps, hein? The artist, oui, just... Ah, OK. Excuse-moi, c'est mon faute. J'ai pas dit mon français, c'est mon faute. Donc, son nom j'ai est... J'ai ronflé dans le micro. Naïma Husseini, pour retourner au sujet. Et elle fait tout, chaque instrument est joué par elle-même. C'est une femme orchestre. C'est ça, une femme, une... Mm-hmm. One lady orchestra. Et elle vient de Berlin. Elle est jeune. Et elle a joué dans une band avant, mais elle n'aimait pas si bon. Ils ont eu un autre nom, mais elle a fait toute la musique. Elle a écrit toute la musique, toutes les lyriques, les textes, puis tout. Ouais. Donc elle a dit bye bye band, je fais la musique moi-même avec mon nom. Bon, des fois c'est mieux comme ça. Ouais. C'est mieux qu'on s'en aille un peu pour laisser la place aux autres, ou s'en aller toute seule de notre côté pour. Tim Horton. Donc, Tim Horton? Horton? Tim Horton qui est allé tout seul de son côté pour ouvrir les fabuleux cafés. Oui, c'est un peu vrai. Mm-hmm. J'ai cherché Ashwamedhub, excusez-moi, j'ai cherché un article dans Wikipédia sur Wikipédia sur Tim Horton qui dit qu'est-ce qu'on dit? Bon. My Jibber Tim Horton, né le 12 janvier 13, et était un joueur professionnel du hockey sur glace canadien et fondateur de la chaîne des restaurants Tim Horton. La popularité de sa chaîne de restauration a complètement occulté la carrière de ce joueur qui est l'un des joueurs les plus célèbres du hockey canadien. Ouais, ouais, ouais, mais... Incroyable! Donc, like Don Cherry... Cherry? Cherry Cerise? Oui. Donc, aujourd'hui, c'est la good stuff chez Choucroute Québécoise, à Choucroute Québécoise, okay. Ici. Ah, mais es-tu, c'est tout pour Tim Horton? Mais j'ai non, plus. Non, ah oui, comment qu'il a réussi à ouvrir son restaurant? Oui, il a eu l'idée d'allier beignes et café. Ouais, il a dit, j'aime pas les beignes ici, je vais faire les beignes moi-même. Donc, moi, ça, c'est l'histoire. Je pense qu'il a plutôt juste piqué, pris l'idée à Duncan. Donc, ça continue cet article avec carrière qui dit, l'histoire de Tim Horton fait partie de ces vrais symboles de l'identité canadienne. Incroyable. Il était l'une des rares vendettes des Maple Leafs de Toronto à provenir des villes minières du nord de l'Ontario et dans les années 40 mm-hmm. où, pendant les longs hivers, il perfectionnait son jeu et mm-hmm. s'inducrissait dans les arènes froides excusez-moi, Cochrane ou Copper Creek. À l'âge de 17 ans... OK, on va chercher pendant la prochaine... À l'âge de 17 ans, Tim Horton fabriqua son premier beigne. Il fit une roue de tracteur en l'honneur de son père qui était fermier. Ça, c'est l'histoire de Tim Horton. Au revoir, Tim Horton. Ah, c'est cool. N'est-ce pas? Toi, tu l'aimes, Tim Horton, maintenant, parce que j'adore Tim Horton. J'adore. Non, ils font le meilleur café, les meilleurs beignes. Moi, je veux marier Tim Horton, mais il est mort. Ah non! Ouais, ouais. Tu pourrais tu pourrais... OK, arrête. Tu pourrais faire un nécro-mariage. Choucroute québécoise! Je vais aller le déterrer pour toi. On va le marier pareil. Hey, nous sommes connes. Nous sommes connes. Avec les mouches. Yosh! Qu'est-ce qui se passe ici? Je pense qu'on va écouter un peu de la musique. Ça me dérange un peu trop. La prochaine pièce aujourd'hui de Best of Choucroute québécoise, ça va être quelque chose. Ben, c'est tellement bon ce que tu mets aujourd'hui, Julia. Merci. Là. C'est vraiment bon. Tu fais des bons choix. Ah, oui. Je me rappelle plus que la musique allemande était aussi bonne. Je me réjouis de ton retour, Julia. Je suis très content que tu sois de retour. Oh oui, je suis aussi contente. Ça va aller bien. Choucroute québécoise, on aime ça. On aime Tim Hortons et Choucroute québécoise et les Orignales. Et la prochaine pièce va être une surprise. D'accord, alors. Allons-y pour la surprise. tip top, das ist allerhand und das ganze Land. Bis zum letzten Truckstop, Fan kann sagen tip top, das ist interessant. Keiner hat's gekannt und wir sind ganz heiß auf. Bonjour Dominique. Bonjour Julia. Comment allez-vous? Ça va bien? Très bien, ouais. Ici. Ça va très bien aussi. J'essaie de m'en remettre. J'essaie de m'en remettre de notre nécro-mariage. Quoi? Non, on ne va pas retourner à ça. Excusez-moi, mais on peut parler un peu de Tim Hortons. Ah, Tim Hortons. J'ai trouvé l'année dans laquelle... C'est vraiment notre émission Tim Hortons today? Hein? Choucroute Tim Hortons québécoise. C'est une choucroute québécoise Tim Hortons. Special. Je vais l'appeler pour qu'il nous donne un peu d'argent. Il est mort. Ah oui, c'est vrai. Mais tu peux l'appeler quand même. Pas grave. On vient d'entendre, I'm gonna by call the way. It, je vais l'appeler, mais à travers le Ouija. On n'a pas structuré aujourd'hui, mais on vient d'entendre, parce que ça c'est important, on vient d'entendre premièrement Tip Top avec la pièce Tip Top. C'est un gars qui a fait de la musique avec son frère qui ouais. est dans une autre band très populaire en Allemagne, il s'appelle Die Sportfreunde Stella. Et il a pensé, on va faire un peu de schnick-schnack, de dildom, de blablabla, faire un peu de musique avec son frère. Un peu de rockabilly. C'est ça. C'était... Et après ça, on a entendu Jennifer Rostock. Jennifer Rostock. Rostock, c'est une ville dans Nord d'Allemagne. Ouais, il ressemble un peu au... le groupe punk avec les cheveux longs. Hein. Oui, ils ont tous les cheveux longs. Ils me font penser aux Ramones. Ah oui, vraiment? Les Ramones, Ramones? Oui, puis le même un petit peu style de musique, un peu. On doit les... Ils sont un peu hipster, hein? Oui, absolument. Non, ils font... Très hip. Ouais, très hip. Hop. et hype. C'était bon ça. Et l'avant-garde. Très bonne musique aujourd'hui. Ah oui, best of, chouette québécoise. Mais on retourne semaine prochaine. Ça, c'est pas comme... Ah, mais là, je vais te laisser le temps de débarquer au Québec, là. Ouais, il faut que je retrouve ma place ici. Mm-hmm. En Québec. Plus belle ville du monde, Québec. Mais Tim Hortons, j'étais en train de te dire, c'était fondé en 64 à Hamilton, en Ontario. C'était le Tim Hortons, le joueur de hockey, avec Ron Joyce. Un policier. Qui a pensé à ça. Et ça, je trouvais super intéressant. Au Canada, il y a 2750 filiales de Tim Hortons. 2750. Combien de filiales de McDonald's il y a au Canada? 1400. Il y a plus de Tim Hortons que de McDonald's. C'est, ouais, absolument. Deux fois plus, hein? Est-ce que tu connais la... Oui, c'est ça. Tu connais l'émission How I Met Your Mother? Non. C'est une émission et ce sont des gens qui habitent à New York et il y a une fille qui est canadienne originellement, mais elle habite dans New York. Un jour, elle retourne au Canada, elle mange avec son chum dans un Tim Hortons et elle est pas sûre si elle veut rester aux États-Unis ou retourner au Canada et elle dit « Maintenant, je suis dans la place plus canadienne du monde et Tim Hortons. » Ouais, c'est vrai. Je trouve c'est vrai. Ouais. C'est un peu quand tu rentres dans un Tim Hortons, je sais pas comment décrire l'ambiance, mais on sent tout le conservatisme canadien. Ouais. Je sais pas si c'est l'odeur du café ou le brun des murs, mais... Ça fait une réunion des Canadiens. Ouais, ouais, c'est ça. Eux, ils mangent, tu vois, les Canadiens, souvent, ils mangent plus des... beignes. Des beignes le matin, pas des viennoiseries, mais plutôt des trucs plus sucrés le matin. Ouais, hein? Ouais, puis ils font une prière avant de manger. Et puis là, après ça, ils mangent leur beignes. Tandis que nous autres, on mange des bonnes toasts au beurre d'épinards. Ou au cheese whiz. J'avais ça pour le matin. Mais c'est des préjugés que j'ai. Là. C'est sûr qu'elles autres aussi en mangent. Là. Non. On les aime beaucoup. On mange pas. On mange pas des trucs sucrés. On n'a pas des orignales. On n'a pas de Tim Hortons. C'est tous des trucs du Canada. Vous mangez quoi pour le matin en Allemagne? Ça dépend. Là, c'est normalement thé ou café avec du toast, okay. Souvent. Toast, des toasts avec, mais pas sucré normalement. Pas de sucré, du salé surtout. Ouais, un peu plus du fromage. De bon fromage ou les comme la saucisse, là. Wurst. Encore de la saucisse. Wurst. Le matin aussi, de la saucisse. Saucisse à la chocolat, oui. Non, c'est pas vrai. Mais la saucisse, c'est le jambon, puis un peu vous plus mangez du jambon. Salé. Mais vous avez aussi les déjeuners, deux œufs, bacon, pain blanc. Ouais, c'est nous autres, ouais. Nos petites patates, notre petit déjeuner traditionnel. Est-ce que c'est ça, vous, votre déjeuner traditionnel? Déjeuner traditionnel. Ici, l'assiette brunch qu'on a, là, les deux œufs, bacon. Non, pas de bacon. Bacon et aussi des beans, là, ça, c'est pas allemand. Non, c'est pas... C'est plus... en Angleterre, on trouve ça, mais en Europe, ça, c'est moins... Tu vois, c'est là que je te disais qu'on rejoignait plus les Anglais. Oui, il faut se rencontrer là. On reçoit un téléphone, c'est pas bon signe. Ouh, quelqu'un nous a appelé. Est-ce qu'on va... On va le répondre, peut-être? Oui, peut-être. OK. Peut-être. On tombe à la musique avant de répondre. Restez sur ligne, chers... concitoyens. OK. Musique, monsieur? Oui. Alors, surprise again? Surprise! Chocolat québécois, c'est les années chaises. Black. Denn wir sind verdorrten Zerfer durch Raum und Zeit. Ja, wir sind Liebende im freien Fall. Stark geschminkte Junge und die Sängerin per Losentscheid des greisen Moderators Zunge zu jedem Übergriff bereit. Beginnt ein Zuschreibungsgefälle mit großem Dramapotenzial. Die beiden Gäste irritiert, sprengen die Rollen im Kanal. Kleine Revolution im Samstagabend-Programm der großen Nation. Position, erstaunter ständig unterm Wert, geschätzte Publikum, lassen die Hoffnung fahren auf die nächste Comeback-Show, setzen noch einen drauf mit Riesen, wuchtet wie Kräfte, besetzt der Typen und dann eine kleine Revolution im Samstagabendprogramm der großen Nation. Der Handlungsspielraum schon bis dato durchaus optimal verleiht, der Junge schreit sie lieber. Hey, encore une fois, bonne musique ici à Choucroute québécoise. Alors, on vient d'entendre Gustave, c'est bien ça? C'est ça, c'est Gustave, c'est la fille. Ça s'appelle Gustave, ça c'est notre jingle. Et avec la pièce Neulich im Kanal. Choucroute québécoise, oh. OK. Et avant ça, on a entendu Photonsurfer avec Neue Weltordnung. Deux très jeunes bandes d'Allemagne. On avait deux magnifiques appels ici dans le studio. Deux. Alors oui, merci aux auditeurs d'avoir appelé et de nous encourager. Et puis, on en profite avant de quitter donc pour vous parler de l'événement Fémur. Donc, c'est la grande finale de notre concours Fémur ici à Chiz qui se passe mercredi prochain, le 21 avril à 20h. C'est au Grand Salon de l'Université Laval. C'est ici dans le pavillon Desjardins. C'est à 20h et c'est gratuit. Et depuis donc plusieurs mois, il y a un concours à Québec pour... c'est le meilleur concours, en fait, pour les artistes de la relève ici à Québec. Et à tour de rôle, il y a eu plusieurs spectacles partout à travers Québec, dans différentes salles, dont le Cercle, la Suite, partout. Et puis là, il y a eu les demi-finales dans les catégories hip-hop, folk, rock, jazz et électro pour les bandes chanceux qui se sont rendus là. Et puis là, ça va être la grande finale de toutes ces catégories-là. Il va y en avoir un seul qui va réussir à gagner le prix du concours Fémur dans ces cinq catégories. Et c'est mercredi prochain. Alors, les finalistes sont... Ça va être dans la catégorie des jazz, c'est Gabriel Schrank Jazz Quartet. Dans la catégorie des indie rock, c'est Mélogramme. Hip-hop, c'est Feuilles et Racines. Pour folk, ça va être Jael Burt Joseph. Et électro, Candace. Dans la catégorie électro, donc Candace, que vous avez peut-être pu entendre sur nos ondes ici dans le cadre du référendum. Et Mélogramme aussi, qui est un très bon band ici de Québec. Ils sont à environ 5. Ils sont très jeunes. Mmh. Et ça va être un excellent spectacle et c'est gratuit. Déplacez-vous, ça vaut la peine au Grand Salon. Donc, c'est le 21 avril à 20h, mercredi. On va y être, nous autres, toute l'équipe de Chiz. Et toi aussi, tu vas y être. D'ailleurs, Julia. Pas de choix! Ah, ça vaut vraiment la peine. Moi, c'est marqué, c'est bouclé dans mon agenda depuis un bon petit bout de temps. Donc, et puis, le grand gagnant, là, il va gagner un prix Télé-Québec de 1 000 $ et une publicité à la télé. Ça c'est cool. Ah, oui, c'est vraiment cool. Si vous voulez vous informer, vous allez sur lefémur.ca pour les prochaines éditions parce que ça va sûrement se poursuivre dès l'année prochaine. Et sur ce, mesdames et messieurs, sur notre grand retour de choucroute québécoise, eh bien, nous, on va vous laisser. Il n'y aura pas, malheureusement, donc de Gémeaux ascendant franco cette semaine puisque Madame Vanessa Bell est en vacances. Et oui, elle est en vacances. Je suis jalouse. De très bonnes vacances. Elle va être de retour la semaine prochaine, probablement, en compagnie de Martine pour une autre édition de cette merveilleuse émission qui porte sur les... L'horoscope, oui. C'est ça. T'es quel signe, toi, Julien? Moi, je Capricorne. Alors, Capricorne aujourd'hui... Toi? Capricorne aujourd'hui. C'est moi, c'est Taureau. Taureau? C'est Taureau, oui. Alors, okay. Merci d'avoir été à l'écoute. Rebienvenue au Québec, Julia Crémer. Ben oui. C'est toujours bien de t'avoir à nos côtés. Tu nous aides beaucoup. Ah, je suis contente d'être de retour. Et semaine prochaine, on va s'entendre encore pour une autre édition de Choucroute québécoise. À la semaine prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir.

She relaxed and relaxed and relaxo. Relaxa, relaxo, relaxa, relaxo. She relaxed and relaxed and relaxo. Relaxa, relaxo, relaxa, relaxo. Pourquoi te changer de même? Faut agir, on n'est pas censé se plaindre. C'est rendu trop à chier sa petite scène. C'est qu'il est coupable, ce qui va, pis que c'est pas écoutable. C'est pour toi que je dis ça, écoute-moi, au pire c'est coupable. Ce qui me fait de la peine, j'étais loin de la maturité. Quand toi t'as atteint la tienne, j'ai tout compris avec rien à perdre. J'ai plus pour quel emploi qu'on postule. T'es tellement engagé, fait que je pense que c'est un combat de lutte. Fait que je pense, avoue que les temps changent. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. J'avoue que je te trouve moins pendante. Mais oui, je t'aime quand même. Même si des fois je te déteste au point, je me dis qu'il faut bien que je m'en mêle. Tu gagnes des Grammys, t'es rendu ces trames sonores des films de mamie. Je m'habitue pas à tes manies, je suis pas seul qui est pas happy. Si je te dis que ça va bien, mais je le ferai pas comme Kathleen. Je gaspille ma salive pour que tu ramènes les fat pions. Me semble t'es rendu moins talentueux. T'as même pas 30 ans, puis t'es déjà rendu vieux. Je t'aimais mieux quand t'étais un ado comme un pédophile. Fallait te mettre le camisole parce que dude, t'étais trop ill. Moi direct, je te file au premier disque que tu m'as fait entendre. Je pensais déjà à tous les shit qu'on pouvait faire ensemble. Là, quand on se croise, on a pas beaucoup de choses à dire. Tu me racontes que t'es plein de cash et que les hosts t'admirent. Au début, j'étais content pour toi quand t'as commencé à percer. Les radios lentement commençaient à passer des textes. Et quand tu marchais dans la rue, le monde te checkait par la fenêtre. Mais on dirait que tout ça te monte à la tête. Tous les jeunes sont à la caille d'adrénaline. Toi t'en profites pour t'installer dans leur orbite. Mis sur l'apparence, mais te laisse aller dans les topics. Laisse pas vanner les novices. Des mourants, mais y'a rien qui pourrait y appeler. C'est tes coliques. Yo, j't'ai tourné le dos, dog. Parce que t'es pas de même. T'as vendu ton âge juste pour faire partie des Hall of Fame. T'as perversé l'esprit des adolescents. T'as bien battu les enfants partout ta face. Se répand là, assurément, tu vas m'envoyer chier. Parce que en vérité, t'étais là ben avant que je sois né. En vérité, t'étais là ben avant que je sois né. En vérité, t'étais là ben avant que je sois né. Yo, hey, hey, faut que je te parle. Je sais pas ce qui s'est passé, mais t'es plus comme autrefois. Y'a pas ton pote, dude, faut que je te parle. Avant t'étais haut dans mon estime, t'as pris une grosse débat. Hey, yo, hey, faut que je te parle. Je sais pas ce qui s'est passé, mais t'es plus comme autrefois. Y'a pas tant pas d'autres, faut que je te parle. Avant t'étais haut dans mon estime, là t'as pris une grosse tête back. Chili chill, on va en faire le tour. Là, c'est le temps de laisser parler qui que j'ai toujours été. Pis ça, c'est vrai, non, pas de gimmick. Pas de talk shit, pas de mimique. Pas de photog qui m'imite. Pas de gossage, pas de niaiserie. Pas de singerie, pas de niaisage. Pas de chicane, pas de message. C'est mon nom depuis longtemps, tellement que je me rappelle plus quand. 1979, 29 ans exactement. J'suis né l'année du Sugar Hill Gang. Ben avant le Wu-Tang, pour moi c'était pas encore un mode real tang. Orléanais par ma naissance, Montréalais par mes cinq sens. Un peu de Bob Marley pis de Camille Saint-Saëns. Mes parents m'ont élevé selon des valeurs tout plein de sens. Dans le sens de constance, à droite, l'aisance remplit ma voix. J'pense j'ai trouvé ma voix sous tu t'attendais à quoi. Soit que tu restes quoi ou ben que t'aboies. Dans les shows, les radios, les stations, où ce qui monte des vidéos. Yo, j'suis dans la place, t'es sur mon ass, tu reconnais ma face à chaque fois que ta voix. Tu me trouves beau, tu tu me trouves wack, tu me trouves drôle, tu me trouves fat, tu trouves où pas ça traque, ça se trouve tes boys ont mon back, j'suis un peu comme la réincarnation du rap pack, appelle-moi Sammy, dis-nous Frank, mais ça m'est égal, dans le rap j'ai pas mon égal, j'fais bouger ton back, back. Call me right back, j'suis seul MC ici capable de get crunk avec son backpack, so how you like that? Yeah, what? C'est le XAVIERCONSTANT. Tu viens d'acheter l'album de Jeune Chili Chill, mais là c'est avec Xav que t'es pogné. Oh shit. J'ai inventé des personnages, autoclonage, de l'enrobage, qui reçoivent les fleurs, puis moi qui gribouille les pages. Moi je les connais par cœur, puis je veux pas les mettre en cage. Ils sont mieux de pas avoir peur du parcours où je les engage. On split du real, on split les rôles, on se tape un deal et puis on switch de pôle. Oh. Nos beats kill tellement pourtant c'est drôle. Le monde ils veulent du chill, mais c'est qui paye les bills, c'est encore. Ouais, en fait j'essaie du mieux que je peux. Pour moi c'est ça la vie, sauf pour eux c'est rien qu'un jeu. Mes pseudos, y'en ont rien à foutre de rendre mes vieux.